Libre-Échange, Sylvain Blondin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de notre magazine de la santé Libre-Échange. Au cours des émissions, nous avons eu le plaisir d'accueillir des professionnels de la santé, mais aussi des associations. Quand on dit association, vient à l'esprit les associations sportives ou de loisirs. Mais il existe un grand nombre d'associations et aujourd'hui, chaque association se plaint justement du manque de bénévoles, le manque d'implication de personnes pour justement aider à participer à l'activité de ces associations. Il existe une association qui s'appelle France Bénévolat, qui a pour but justement d'apporter son concours pour des personnes, mais aussi d'aider d'autres associations. Pour en parler, Madame Maryse Kader, présidente, va nous expliquer son fonctionnement et de ce qu'il en est exactement. Madame Maryse Kader, bonjour. Bonjour monsieur, merci de me recevoir, tout au moins de m'accueillir, pour me permettre de m'exprimer. Mais justement, sur le bénévolat, aujourd'hui nous faisons une émission spéciale sur le bénévolat, parce que Libre-Échange, c'est un magazine de la santé, dans lequel nous recevrons beaucoup d'associations, et je mets beaucoup l'accent aussi de l'implication, est-ce qu'il y a une implication des personnes dans le monde associatif, dit associatif, bénévolat. Alors nous allons, vous êtes la présidente France de Bénévolat France sur Nancy, mais également vous êtes la déléguée régionale Grand Est de France Bénévolat. D'ailleurs, on peut retrouver sur les sites internet, on fait France Bénévolat, où il y a le site sur lequel on trouve beaucoup d'informations. Particulièrement, il y a aussi le site de Nancy, www.nancy.francebénévolat.org. D'ailleurs, on redonnera un petit peu ces identifiants. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas ou se disent « qu'est-ce que France Bénévolat ?» Oui, alors France Bénévolat, c'est une association reconnue d'utilité publique. C'est important de le savoir. Et donc, le but est d'accueillir des bénévoles qui cherchent à faire du bénévolat, qui ne savent pas trop où s'orienter, et surtout des associations qui ont besoin de bénévoles, parce que le bénévolat est une action et une mission très importante, et on a toujours besoin de plus de disponibilité de la part de personnes qui veulent s'investir dans des missions de bénévolat. Donc nous sommes ce vecteur de communication, si vous voulez, entre les associations qui cherchent des bénévoles et les personnes qui veulent s'impliquer dans une mission bénévole. Alors justement, c'est important parce que moi personnellement, j'ai fait intervenir dans des conférences France Bénévolat, et je leur remercie à nouveau, qui ont participé à organiser ces événements. Mais on voit aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'associations, que ce soit des associations dans le monde de la santé ou plus largement sportives, où on ressent qu'il y a un désengagement des personnes, où il y a quelque part beaucoup d'associations disent on recherche des bénévoles. Alors aussi, je marque ce moment-là pour dire aussi que venez apporter votre soutien aux associations, parce que souvent on dit l'association, le soutien c'est financier. Non, ce n'est pas que financier. On peut apporter une aide, en tant que membre d'association. Alors qu'en est-il exactement? Parce que je disais, moi je ressens au niveau des associations une certaine souffrance, de manque de bénévoles. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Non, le bénévolat est toujours très important, très actif, mais je pense que la physionomie du bénévolat a un petit peu changé. À savoir qu'autrefois, il y a peut-être une vingtaine, trentaine ou quarante ans, il y avait des personnes qui faisaient du bénévolat. C'était souvent des personnes âgées ou des personnes, Alors que maintenant, en ce qui nous concerne, et pas seulement à Nancy, mais sur le plan national, dans les autres centres de France Bénévolat, on le constate aussi, on reçoit moins de retraités, mais c'est au profit de plus jeunes, de personnes plus jeunes. Ça peut être dans les personnes de 35 à 45 ans. Ça peut être aussi aussi parmi les jeunes et les jeunes qui veulent faire du bénévolat. Et quand je dis ce bénévolat, son paysage a changé, à savoir que pour les jeunes et pour les un petit peu moins jeunes, ce sont des actions plus ponctuelles parce qui correspondent au tempérament des jeunes. Il faut agir vite, il faut avoir des résultats, il faut être actif, il faut que ce soit concret. Voilà. Alors, avec les personnes âgées, les retraités, si je peux dire, les retraités, on a d'autres missions. Ils peuvent s'engager dans le soutien scolaire, ils peuvent s'engager dans ce qu'on appelle le parrainage. Le parrainage, par exemple, avec les missions pour l'emploi, hein, les missions locales qui ont besoin de bénévoles. Ce n'est pas du tout pour se substituer aux conseillers des missions locales, c'est pas ça du tout. Mais nous sommes là pour les accompagner, étant donné qu'ils ont en charge des jeunes, qui sont plus ou moins cabossés, certains, et qui ont besoin d'un encadrement un petit peu plus particulier. Donc c'est cette forme de parrainage, si vous voulez, c'est un bénévole qui prend en charge plus particulièrement un jeune pour l'aider à terminer son projet. Et à l'aider après à présenter un curriculum vitae. Et dans ce cadre de parrainage aussi, il y a ce qu'on appelle le dispositif de réussite éducative. Nous sommes confrontés, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, il y a beaucoup de familles qui ont des difficultés, qui sont françaises aussi, mais qui ont des difficultés, et donc qui n'ont peut-être pas la possibilité de se consacrer pleinement à l'accompagnement de leurs enfants, de leurs jeunes enfants, qui ont besoin d'être pris en charge. Donc là, c'est une autre forme de parrainage, c'est un adulte qui prend en charge un enfant. Alors, dans le cadre du soutien scolaire, c'est une chose, mais aussi pour l'aider à... comment dirais-je, à découvrir son environnement, l'environnement social auquel il n'aurait peut-être pas accès avec ses parents. Donc, ces associations ont la possibilité d'avoir, des tarifs réduits pour la fête, la foire, le foot, enfin, etc. Et la personne qui a pris en charge ce jeune l'accompagne dans ses visites, si vous voulez. Ou dans c'est une sorte de tutorat, on va dire. Une sorte de tutorat. Alors justement, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus, de par les guerres, de par les situations géopolitiques, et on en parle passé aussi par le réchauffement climatique, il y a un déplacement des populations, beaucoup de personnes qui se retrouvent sur le chemin de l'immigration, qui arrivent sur les territoires. Est-ce que justement, il y a une demande de plus en plus importante des associations à ce niveau-là? D'une part des associations, mais aussi des personnes qui vont nous voir. Alors là aussi, l'évolution a un petit peu changé. Il y a quelques années, c'était beaucoup des personnes qui venaient de l'Est, des pays de l'Est, hein, qui étaient en quête, etc. Maintenant, il y en a qui viennent d'Afrique. Donc il faut qu'on ait pour ces personnes-là des associations qui veuillent bien les accepter, parce qu'il y a le problème des papiers, des sans-papiers, il y a les problèmes des séjours temporaires, enfin tout ça. Donc on essaie de trouver des associations qui les acceptent pour leur permettre aussi de mieux s'intégrer, parce qu'ils reçoivent la possibilité d'avoir des cours d'alphabétisation, c'est très bien. Mais ils ont besoin aussi d'une connaissance de la vie journalière qu'ils ne peuvent qu'acquérir que par le contact avec d'autres personnes, et ce, par le biais d'associations. Donc, il y a des associations qui acceptent, je pense à la Banque alimentaire, je pense à l'Armée du Salut, à Emmaüs, les Secours populaires, voilà, c'est ça. Aussi, oui, ouais. Oui, aussi, quoi qu'ils sont plus... Mais en fait, il y a un accompagnement culturel, on va dire, voilà, intégration... Voilà, pour leur permettre cette intégration. Et ce qui est important aussi, parce qu'il y en a quelquefois qui arrivent, qui viennent nous voir avec leur papier de la préfecture, dans lequel on leur demandent différentes choses, et bon, s'ils ont fait du bénévolat, donc le fait de savoir. Mais là, le problème, c'est qu'il faut bien leur faire comprendre que ce n'est pas le tout de signer le papier, on ne peut pas. Il faut qu'ils aient une meilleure connaissance du français pour justement faciliter leur intégration. Donc vous voyez, c'est une autre tranche de bénévolat, une autre forme de bénévolat qui demande quand même, un personnel un petit peu plus spécifique. Il faut déjà bien cibler les bénévoles auxquels on va les confier, si je peux dire. Il y a ces jeunes qui arrivent en ce moment et qui sont accueillis par 30 ou 40 des groupes de mineurs. Donc là aussi, il faut trouver des associations qui veulent bien les accepter. Et ces associations ont besoin de nous pour leur faire justement ce soutien scolaire qu'ils n'ont pas. Donc ce sont des domaines qui sont tout à fait différents, indépendamment du domaine, plus... plus économique, plus... Quand on a affaire à des sociétés, à des entreprises, qui, elles aussi, il y en a qui ont besoin de bénévoles, et puis qui veulent aussi faire passer dans le cadre de leur société, c'est important, cette notion de bénévolat. L'année dernière, j'avais été conviée par un club d'entrepreneurs, justement pour leur parler du bénévolat. Il y en avait qui ne connaissaient pas du tout, qui n'imaginaient pas du tout l'importance du bénévolat. Ils disaient, mais ça m'intéresse, hein, parce que dans ma société, ça peut aider, etc. J'ai quelqu'un qui est plus ou moins dépressif. Bon, si je sais qu'il y a quelqu'un qui veut bien l'accompagner, ça aussi, c'est une forme de bénévolat. Je le précise, c'est important. Donc, vous voyez, dans le domaine sportif, c'est une chose. Alors, justement, bien souvent. Handicap, c'est encore autre chose. Autre chose d'handicap, mais bien souvent, le bénévolat, quand on dit bénévolat, c'est l'image qui vient à l'esprit, c'est le foot, c'est le basket, c'est-à-dire, c'est associatif, bien souvent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a d'autres façons de faire du bénévolat. Dans le domaine sportif. Je pense à une association qui est toute récente à Nancy. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs beaucoup en France. Ça s'appelle du sport plein la vue. Ce sont des personnes qui sont malvoyantes, qui ont des problèmes de vue, mais qui ne sont pas toujours de naissance, dont un, c'est à la suite d'un burn-out, de différentes difficultés, etc. Il s'est retrouvé non-voyant à 50 ans. C'est quand même catastrophique. Donc, il a rencontré d'autres personnes qui avaient envie de faire du sport comme lui et qui n'avaient aucune possibilité. Donc, ils ont créé leur association, ça s'appelle Sport plein la vue. Il y a donc un magasin de Nancy, la Maison du Vélo, qui leur met à disposition un certain nombre de tandems pendant une période déterminée. Donc, il y a le malvoyant qui pédale, mais il a besoin de quelqu'un pour le guider. Donc, vous voyez, là, on adresse des bénévoles. Et là aussi, il y a souvent des jeunes qui y vont parce que c'est une découverte. Ils peuvent aller à la piscine avec eux. Ils font de la marche, toutes ces activités sportives qui sont culturelles et sportives aussi parce que ça leur permet une découverte de l'environnement qu'ils n'auraient pas la possibilité d'avoir autrement. Alors, en général, quels sont les profils des personnes qui viennent, qui s'adressent à votre association en France Bénévolat et plus largement dans le bénévolat? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, moins jeunes? Et après, on parlera des motivations, bien évidemment. Oui, oui, oui. Mais en général, quel est le profil? Parce que c'est pareil, l'image que l'on a, c'est en général bénévolat. Tu as du temps, tu es senior. Quoi. C'est souvent, exactement, c'est l'identification. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Exactement. D'abord, lorsque j'interviens dans des séminaires de préparation à la retraite, donc il va s'adresser à des... je parle difficilement de retraite parce que je n'aime pas tellement ce mot. Ce n'est pas un retrait de la vie sociale. Et c'est surtout pour expliquer aux personnes qui vont se trouver, donc qui ont perdu leur activité professionnelle, vont entrer dans une nouvelle phase de vie. C'est une autre façon de s'intégrer et surtout pas une perte d'identité sociale. Je mets toujours l'accent là-dessus parce qu'on se rend compte dans les personnes qui sont dépressives, qui arrivent en retraite, je dis bien, ont l'impression d'être complètement paumés, quoi. Il y a plus du tout de vie sociale, et c'est pas ça. Ils peuvent s'impliquer, faire autre chose. Donc, peut-être dans cet accompagnement pour les jeunes, ça peut être une chose. Donc, cet aspect du retraité qui fait du bénévolat est un petit peu... pas occulté, mais disons que les jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent faire du bénévolat que de personnes âgées. Les jeunes ont besoin d'un bénévolat plus actif, qui est plus ponctuel aussi. Il leur faut des réalisations concrètes. Donc, on essaie de leur trouver des missions dans lesquelles ils pourront... Je pense par exemple à la banque alimentaire, à la collecte de légumes, où ils peuvent aider des personnes qui sont en recherche aussi et qui font cette collecte aussi auprès de grands magasins, de grandes surfaces, etc. Là, les jeunes aiment bien s'impliquer. Ils, dans la promotion aussi d'actions, quand ils montent un projet, je pense les jeunes, alors qui sont lycéens, vers lesquels on a cette mission ambassadeur. On les aide en leur présentant le bénévolat, leur démontrant tout ce qu'ils font, mais aussi en les aider peut-être à monter un projet pour eux. En se dire qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et j'ai en mémoire, justement, dans le cadre de cette mission ambassadeur, dans un centre lors de la région, où la personne qui faisait cette information parlait à des jeunes, puisque ça s'adresse en principe aux secondes et aux premières, ce qu'ils pouvaient faire en bénévolat. Bon, ils disent professionnel, bénévolat, on voit pas, etc. Bon, bref. Donc, elle est revenue un jour avec un journal. En disant, on va lire le journal ensemble, on va voir différentes actions qui peuvent se passer pour vous montrer ce qu'est du bénévolat. Ça a été une découverte totale. Ils ont dit, mais on veut bien faire quelque chose. Donc, ils se sont mobilisés. Alors après, entre eux, hein, ils se sont mobilisés et ils ont essayé de récupérer de l'argent en vendant des petites bricoles comme ils peuvent avoir, porte-clés ou autres. Et avec cet argent, ils ont acheté des peluches pour l'hôpital d'enfants. On leur a dit, mais c'est un projet formidable que vous avez fait, vous avez cette action de bénévolat. Ça les a, comme on dit, titillés dans leur esprit et ils ont créé leur jeune association jeune, leur jeune association, enfin, etc. Vous voyez, cette découverte, bon, là, je les ai un peu perdus de vue, mais enfin, je pense qu'ils ont fait passer le message à d'autres copains dans les classes. Vous voyez, c'est cette forme-là. Et puis, il y a les étudiants qui ont besoin aussi de faire du bénévolat suivant le cursus qu'ils ont. Enfin, l'orientation qu'ils ont prise et le mentionner dans leur cursus. Et puis, il y a aussi cette population de personnes de, je dirais, 35, 45 ans, 50 ans, qui ont des situations, mais qui, quelquefois, les enfants sont partis ou qui disposent de temps, qui ont envie de faire du bénévolat. Et là, ils viennent nous voir, je pense par exemple à deux couples qui ne se connaissaient pas d'ailleurs, qui étaient venus nous voir et qui disaient, ben voilà, nous sommes seuls pour Noël, nos enfants sont partis, etc. On voudrait faire quelque chose pour les personnes qui sont seules. Donc, on les a adressés aux petits frères des pauvres, qui font toujours pour Noël une activité, enfin, repas, etc. Donc, vous voyez, c'était une autre tranche d'âge. C'est pour ça que je dis que le bénévolat, maintenant, il est pour tous. Parce que du fait de l'évolution de la société, on trouve des missions bénévoles pour tous. Le tout est de s'adresser à la bonne porte, donc à France Bénévolat. Alors, la question qui me vient à l'esprit, toute association vit, je veux dire, sur certains fonds. Justement, pour adhérer à l'association, comment ça se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une demande d'adhésion, une cotisation? Oui. Et quelles sont vos ressources, je veux dire, en tant qu'association? Si je parle déjà des ressources, on a une subvention municipale. Qui nous aide à payer notre loyer, parce que nous avons un loyer qui est cher, donc il nous aide à payer le loyer. Et puis d'une autre municipalité, je parle de Vendeuvre, parce qu'il y a beaucoup d'associations, ils ont besoin de bénévoles, et font souvent appel à nous. Alors, en reconnaissance, si je peux dire en remerciement, on a une petite subvention, et on participe à la journée des associations pour se faire connaître. Ça, c'est sur le plan voilà, financier. Et puis les associations qui adhèrent à France Bénévolat paient une cotisation. Les bénévoles, nous ne leur demandons pas. Après, ils s'arrangent. Parce qu'il y a quelques associations, il y en a très peu, qui leur demandent une participation. Mais comment on leur explique si on vous demande cette participation, c'est souvent pour vous couvrir sur le plan responsabilité et vous permettre aussi d'acquérir une formation. Parce qu'il y a deux associations, entre autres, je parle des soins palliatifs, c'est quand même très particulier, très spécifique. On ne peut pas envoyer n'importe qui. Donc l'association leur offre cette formation qui est comprise dans le montant de la cotisation qu'on leur demande. Mais nous, chaque association qui adhère, on leur demande une cotisation. Malheureusement, toutes ne paient pas. Il faut faire des rappels, mais on met l'importance quand même sur ce besoin, on leur rend service, et voilà, c'est un retour, si vous voulez, pour nous aider à fonctionner. Alors maintenant, d'un point de vue... Nous sommes 8, là, à travailler. Oui. Hein, alors, à 2 ou 3 par permanence, donc vous voyez, c'est quand même important, et il faut que la maison tourne. Bien sûr. Alors, aussi une question qui vient à l'esprit. Qui dit bénévolat, j'ai personne qui s'implique. En termes de couverture... social, si je peux dire, social en cas d'accident, d'assurance. Comment ça se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des recommandations à faire? Parce que peut-être qu'il y a des associations qui ne savent pas, oui. Qui n'ont pas de responsabilité civile, qui n'ont oui. pas... Comment ça se passe-t-il normalement? Alors moi, lorsque je fais des informations sur la région ou vis-à-vis d'autres associations, d'autres informations, je dis qu'il est important d'avoir une assurance. Nous avons une assurance responsabilité civile. Donc, qui pour nous couvre les personnes qui font du bénévolat, qui sont en mission chez nous. Maintenant, après, ce sont les associations à elles de savoir la responsabilité qu'elles ont lorsqu'elles ont des bénévoles, à savoir qu'elles doivent prendre quand même une association, une assurance. Mais je pense que dans ce domaine-là, maintenant, la grande majorité des associations savent qu'elles doivent être couvertes. Ne serait-ce que lorsqu'elles font des demandes lorsqu'elles se déclarent, si vous voulez, en préfecture, elles ont quand même des papiers à remplir. Donc il y a quand même une petite ligne où on parle de responsabilité. Donc ça attire Ça attire à l'esprit. C'est une chose, mais bon, bien souvent, on monte une association, on est motivé, mais bien souvent, on a du mal, justement, à avoir des informations, à être guidé, à être soutenu. Justement, est-ce que ça fait partie aussi de France Bénévolat, éventuellement, d'aider dans... On leur signale aussi que toute personne qui... souvent, elles ont des responsabilités civiles personnelles, de par leur famille, de par leur profession ou leur engagement, bon, c'est une chose... Mais aussi, on leur dit que l'importance, quand même, d'être couverte par une assurance. Voilà. Alors, il y a des assurances, je m'excuse, mais par exemple, la Massif, qui est une compagnie d'assurance, mais qui fait beaucoup. Alors, je fais de la publicité pour eux, là, en ce moment. qui fait de. Comment dirais-je? Qui a des tarifs spéciaux pour les associations. Vous voyez, savoir qu'ils ont un tarif un petit peu particulier pour couvrir justement le maximum de risques des associations. Et c'est intéressant. Voilà. Alors, une chose que je ne savais pas et qui est important de dire, c'est que France Bénévolat a mis en place un passeport bénévole qui est très intéressant parce que, justement, sur le marché de l'emploi, beaucoup de personnes négligent, oublient de marquer leur référence. Alors, qu'est-ce que ce passeport bénévole ? Alors, ce passeport bénévole, c'est la propriété de France Bénévolat. C'est France Bénévolat qui l'a créé, après réflexion. Il est reconnu par le ministère de l'Éducation et des Sports, puisque c'est notre ministère de tutelle, d'une part, et d'autre part, le gouvernement, qui de temps en temps fait des enquêtes, sollicite faire France Bénévolat, justement, pour l'évolution, enfin, de la société, enfin, etc. Nous sommes une toute petite goutte d'eau, mais l'important est de savoir que nous sommes consultés régulièrement. Donc, c'est reconnu par l'Éducation nationale, la Caisse des dépôts, et puis alors le Pôle emploi et l'AFPA. Alors, si j'en viens là, c'est parce que les demandeurs d'emploi peuvent faire du bénévolat, chose qui ne leur était pas permise il y a quelques années. Je crois que c'est 5-6 ans ou quelque chose comme ça. Avant, un demandeur d'emploi ne pouvait pas faire de bénévolat. Or, maintenant... on leur conseille de faire du bénévolat pour justement le mentionner dans leur CV. Et j'ai en mémoire une intervention que j'avais faite à Strasbourg, justement, au Conseil régional, pour parler du passeport bénévole. Et il y avait deux autres organismes qui avaient leur passeport bénévole, qui était là, mais qui, en plus, n'était pas pérenne comme le nôtre. Et puis, bon, ça ne correspondait pas exactement. Et moi, j'avais donc présenté le passeport bénévole. Et il y a une jeune femme qui s'est levée, qui a dit « Est-ce que je peux donner un témoignage ?» Bien sûr. Alors elle dit « Ben voilà, j'étais demandeur d'emploi. Nous étions 5 sur un poste. Et c'est moi qui étais retenue parce que j'avais fait du bénévolat et que j'avais pu présenter mon passeport bénévole. » Donc vous voyez, c'est quand même un document officiel qui a une reconnaissance auprès des instances. Et j'incite aussi que dans un CV, mettez les actions que vous faites de bénévolat associatif, vos applications, parce que ça montre d'un côté l'engagement, mais aussi qu'on ne reste pas inactif, qu'on a une certaine motivation. Aussi, chose importante, donc je recommande bien évidemment ce passeport. Aussi, une autre chose importante, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que en s'impliquant dans les associations, en étant bénévole, on peut déduire justement certains frais. Oui. Comment ça se passe-t-il ? Alors ça se passe, ce ne sont pas toutes les associations qui font ça. Hein. C'est parce que notre association France Bénévolat a cet agrément auprès du gouvernement, enfin du ministère des Finances, vous voyez, ça y est, je vais le dire. Donc à savoir que c'est une façon de valoriser le bénévolat, et qui nous permet d'avoir cette déduction fiscale lors de la déclaration d'impôt. C'est-à-dire que toutes les missions bénévoles que l'on a, lorsqu'on vient, les frais que l'on engage pour France Bénévolat et qui ne sont pas remboursés par France Bénévolat, on les mentionne dans cette déclaration que l'on fait, en le valorisant au taux du SMIC, voilà, et on le déduit lorsqu'on fait sa déclaration d'impôt dans les possibilités que l'on a des déductions fiscales. Que ce soit certaines associations qui envoient des attestations de reçus de versements qu'ils ont fait à l'association, donc ils l'ajoutent, et ça, on le mentionne aussi dans la déclaration d'impôt. Oui, en fait, c'est pas un versement, c'est monétaire. C'est un don. C'est un don de travail, d'activité, de bénévolat, qui est évalué, valorisé de cette façon. Voilà, donc, à savoir, c'est important parce que bien souvent, les personnes ne savent pas. Mais demandez-le. Il faut avoir l'agrément du ministère. Alors, aujourd'hui, donc, vous m'avez parlé aussi que vous avez été vice-présidente d'une association accueil des villes françaises. J'ai oublié de le dire dans votre présentation. C'est pas important. Ça fait partie de ma vie associative, si vous voulez, pour dire que j'ai toujours fait du bénévolat. Ce que je vous disais, c'est un virus, mais là, on ne peut pas s'en débarrasser. Oui, c'est une très bonne chose. Alors, c'était aussi la possibilité de rencontrer des personnes, parce que je dis le bénévolat, on donne, c'est sûr, c'est une chose, mais c'est un tel enrichissement. C'est un tel enrichissement personnel, parce que ça permet d'assumer certaines situations, puis de se conforter aussi dans ce que l'on peut faire pour les autres. C'est dans ce cadre-là où c'est vraiment un enrichissement. Alors, je rappelle le site internet sur lequel on peut retrouver des informations. Donc, il suffit tout simplement de faire sur les moteurs de recherche France bénévolat, particulièrement à titre d'exemple Nancy, c'est www.nancy.francebénévolat.org, sur lequel on retrouve beaucoup d'informations. Si vous voulez adhérer à une association, n'hésitez pas. Regardez au niveau des municipalités, bien souvent il y a, un service associatif qui puisse vous mettre en relation avec différentes associations, mais aussi allez sur le site internet France Bénévolat. Rapprochez-vous d'associations, on trouve assez facilement par ville la liste aussi des associations. Aujourd'hui, s'il y avait un message, une recommandation à faire à nos auditrices ou nos éditeurs, ce serait laquelle ? Eh bien, je reprendrai peut-être ce que j'ai déjà dit. Engagez-vous dans le bénévolat. Engagez-vous dans le bénévolat, c'est rendre service, bien sûr. C'est aller vers les autres. Mais c'est aussi pour soi une richesse que l'on ne mesure pas toujours, à laquelle on ne pense pas toujours lorsqu'on s'engage. Et puis, quand de temps en temps, on fait des petites pauses dans sa tête, on se rend compte que le bénévolat, c'est quand même quelque chose de très enrichissant pour soi. Voilà. Donc, le bénévolat dans les deux sens. Voilà, c'est ce que je dis. C'est enrichissant absolument dans les deux sens. Oui. Absolument. Donc, je rappelle donc les sites internet sur Nancy, c'est www.nancy.francebénévolat.org. Sinon, au niveau national, vous tapez sur le moteur de recherche France Bénévolat. Madame Marie-Lise Cader, merci pour cette interview. Et puis, j'encourage bien évidemment nos auditrices et nos auditeurs à rejoindre des associations. Comme elle nous l'a expliqué, Madame Marie-Lise Cader, on peut rejoindre toute association. Une association pour vivre a besoin d'une organisation et notamment de bénévoles, mais aussi pour soutenir les associations, et vous pouvez aller sur le site de France Bénévolat ou d'autres associations. Bien souvent, on pense que ce sont les fonds, c'est l'argent, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que chacun peut contribuer autrement à aider, à participer aux associations en apportant leur savoir, en apportant leurs compétences et en apportant simplement un peu de temps à consacrer aux autres. On est à la fin de cette première partie et on va se retrouver juste après ceci. C'est sûr que sur tes traces, je cherche à me trouver. Dieu que l'on efface à soi quand t'as sonné. L'heure de ton départ désarmé. Est-il une place où tu thank you. a-t-il une place pour cacher tes regrets? Ce que l'on déplace mal sans se soigner. Faut-il que je sache ne plus te trouver? Faut-il que je lâche tes poignets et que l'on répare tes peines à jamais? Nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine Libre-Échange. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons avoir une émission spéciale. Il existe un certain nombre d'associations, justement, dont une association qui s'occupe des chiens d'aveugles. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui en situation de malvoyance et utilisent ces chiens. Mais que deviennent-ils ces chiens par la suite ? Eh bien, justement, Roland Leprince va nous parler de cette association de chiens retraités pour les non-voyants. Monsieur Roland Leprince, bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'une association de chiens d'aveugles, mais un peu particulière parce qu'en fait, vous occupez vous êtes une famille d'accueil, en fait. Pour les chiens, alors il y a plusieurs familles d'accueil, pour les jeunes chiots, pour les chiens en vacances, mais aussi les chiens retraités. Et vous, c'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire que ce sont des chiens pour personnes malvoyantes, déficiences de la vue, qui sont soit réformés pour parce que vous allez nous expliquer parce que ils rentrent pas vraiment dans le cadre de l'activité ou parce que ils ont fait leur temps et c'est leur retraite. C'est bien ça. Oui, c'est bien sûr, c'est bien ça. Donc d'une qui a 11 ans maintenant est une chienne guide retraitée. Donc je l'ai eu à 9 ans, donc la dame qu'il avait avant a déménagé à Mulhouse. D'abord, elle était à Tannes, et puis après, elle a déménagé à Mulhouse. Et puis, en fin de compte, à 9 ans, on ne peut plus apprendre, bien sûr, une nouvelle ville, étant donné que dans l'éducation, le chien, il est habitué aussi avec la ville où elle va travailler, quoi. Donc, je l'ai eu à 9 ans. Elle a 11 ans maintenant. Et puis, Sana, alors, donc, c'est une chienne guide d'aveugle qui a été réformée, parce qu'elle était trop gentille. Elle ne faisait pas bien son travail. Elle était indisciplinée, comme dirait l'autre, quand elle travaillait. Alors, est-ce que justement il y a un âge limite par rapport à ces chiens-là ? Est-ce que physiquement ou comment ça se passe ? En général, un chien guide d'aveugle est mis à la retraite à 10 ans. Il est remplacé, la plupart du temps il est remplacé, suivant le nombre de chiens, bien sûr, que l'association éduque. Mm-hmm. Parce que on n'en fait pas des 100 et des 1000 dans l'année, quoi, non plus. Donc voilà. Il est soit remplacé, soit la dame est les personnes invalides sont peut-être formées sur les nouvelles techniques de canne blanche et électronique. Donc en attendant d'avoir un nouveau chien guide. D'accord. Et en général, la formation d'un chien, ça dure combien de temps ? En général, il y a un an qui est en sociabilisation. Et après, il y a encore pratiquement un an de formation avec un instructeur, plus le fait de connaître le quartier où est-ce qu'elle va travailler, tout ça, quoi. Donc, il y a un temps d'adaptation avec la personne qui va la recevoir. Combien de temps ça prend, à peu près ? Je ne sais pas exactement, là. Il faudrait plutôt demander à la présidente. Donc, moi, je pense que ça doit être une histoire d'un mois ou deux mois, je pense. Je ne sais pas exactement. Donc, comme moi, je m'occupe surtout des retraités, quoi. Donc, je ne sais pas exactement, quoi. Alors, en fait, c'est une seconde vie pour eux. Donc, en fait, ils meurent de leur, si je puis dire, belle mort, bien que la mort ne soit pas une belle chose, si je puis dire. Mais bien sûr, c'est ça. Maintenant, elles reprennent leur vie de chien. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est quand elles reprennent leur vie de chien, donc à la retraite, elles perdent tous leurs droits aussi. Il ne faut pas l'oublier qu'un chien guide d'aveugle, quand il est en fonction, il a le droit de prendre les transports en commun gratuitement, il a le droit de rentrer dans les magasins. Et dès qu'elles sont à la retraite, elles n'ont plus le droit. et perdent tous leurs droits. C'est pour ça que, bon, Dune a son petit gilet, quoi, qui est un peu une façon de manifester, quoi. Comme quoi, j'ai travaillé... travailler, je voudrais bien garder mes droits. Oui, ça c'est un peu comme les êtres humains, le parallèle. Alors, aussi une question qui me vient à l'esprit, mais donc, ils se déshabituent, si je peux dire, par rapport à la formation qu'ils ont eue, par rapport à l'éducation, je ne vais pas dire le dressage, c'est plus une éducation. Oui, bien sûr. Bon, le fait est que quand un chien travaille, il a le harnais. Donc quand ils ont un harnais, ils savent que la personne qui est non-voyante le tient, ils savent qu'ils doivent travailler. Bon, quand elles sont à la retraite, elles n'ont plus harnais, donc elles savent qu'elles sont en liberté. Donc elles redeviennent des chiens plus ou moins normaux, quoi, comme on dit. Est-ce qu'il existe beaucoup de familles d'accueil, justement là, nous sommes sur le secteur de l'Alsace, mais dans la grande région et sinon en France? Il y en a pas mal, il y en a pas mal. De toute façon, bon, surtout en famille... mais on en recherche toujours, de toute façon, l'association en cherche toujours. De toute façon, surtout pour les petits chiots. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile quand, au bout de 8 mois, 1 an, on doit redonner le chien à l'association pour l'éducation. C'est un peu plus difficile que moi qui m'occupe de chiens retraités que j'aurai jusqu'à la fin de la vie, quoi. Et est-ce que, justement, le nouveau propriétaire, la famille d'accueil, il y a une sélection qui se fait? Parce qu'on voit, par exemple, bien souvent dans les actualités, la maltraitance avec les animaux, notamment avec les chiens. Est-ce que, avant de donner cet animal, ce chien, est-ce qu'il y a, je veux dire, je vais peut-être pas dire une enquête, mais bon, il y a une observation qui est faite? Écoutez, moi, personnellement, je ne sais pas. Parce que, bon, quand je suis rentré dans l'association, parce qu'à un moment donné, j'avais des chiens à la maison, j'avais 2 golden à la maison, et puis j'avais une golden, une femelle que j'avais fait porter, et puis il me restait une femelle que je voulais donner justement à l'association, mais malheureusement, bon, elle avait la dysplasie, donc elle a été disqualifiée. C'est depuis cette période que je fais partie de l'association. Et c'est au sein de l'association, donc, est-ce que vous avez d'autres activités où vous vous occupez, qui demandent quand même pas mal de temps, quand même? Non, on s'occupe seulement, pour le moment, je m'occupe seulement des chiens retraités. Bon, bien sûr, bon, après, il y a l'association qui organise ses journées de découverte et tout ça. Bon, ouais. Là, je vais faire un petit tour avec mes chiens, quoi. Oui, donc, justement, par rapport à ça, vous dites seulement m'occuper des chiens, mais ça demande quand même du soignage au niveau alimentaire, au niveau, est-ce qu'il y a, quelque chose de particulier, et aussi de l'exercice, parce que ce sont quand même des animaux, des chiens, qui ont l'habitude d'aller à l'extérieur, se promener. Est-ce qu'il y a comment ça se passe? Comment on dit? Une fois qu'elles sont à la retraite, elles deviennent des chiens normaux. Donc on manifeste plus vraiment le travail, quoi. On ne fait plus de... Plus, sollicitation, plus de sollicitations sur le travail, donc ouais. Juste le stop et arrêt, assis... ou des trucs comme ça, on s'arrête là, quoi. On fait plus autre chose. Monsieur Roland, Le Prince, merci beaucoup. Donc, je rappelle, c'est l'association des chiens de guide d'aveugles de l'Est qu'on retrouve un peu partout en France et sur les sites. Et on aura l'occasion, je pense, d'avoir... Voilà, surtout, bon, le Grand Est est surtout bon dans l'Est, donc avec WAPI, donc. Mais par contre, bon, dans d'autres régions, il y a d'autres écoles de chiens guides, quoi. Absolument. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà ce qu'il en est de cette association particulière de chiens retraités pour non-voyants. Si vous désirez adopter un chien, il vous est possible. Il vous suffit d'aller sur le site de l'association et postuler pour demander à avoir un chien chez vous. Pour continuer notre émission, comme je vous ai dit, c'est une émission spéciale. Nous allons avoir l'interview de Jean-Claude et Geneviève, qui sont des personnes de Liège, qui étaient venues visiter le parc de Keukenhof, qui est un des plus grands parcs au monde, où il est exposé des tulipes. Jean-Claude, bonjour. Oui. Vous venez de quelle région ? De la région liégeoise, de Flémal exactement. Et donc c'est la première fois que vous venez ici visiter ce jardin ? Ici, oui, c'est la première fois. Quelle a été votre motivation ? Vous êtes en voyage en Hollande ou vous êtes venu spécialement visiter ce jardin ? Non, nous sommes venus 3 jours, city trip, quoi, à La Haye. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir visiter ce jardin, en fait ? Oh, des amis qui sont déjà venus, qui nous ont dit que c'était bien. Ils ont peut-être eu le soleil. Nous, on n'a pas eu le soleil. Donc... Malheureusement, il n'est pas là. Alors, comment vous avez trouvé votre visite? Comment s'est passée votre visite? Comment vous avez trouvé? Très bien, très bien. Ça s'est très bien passé. Maintenant, on a encore quelques 2-3 heures à faire l'après-midi. On va essayer de manger un bout. Et puis, non, c'est très agréable. Sauf la pluie, quoi. Oui, malheureusement, qui n'était pas au rendez-vous. Geneviève, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez, vous accompagnez votre mari donc de Liège. Alors, quelle était votre impression, justement, pour vous? Très agréable comme jardin, bel endroit, de l'espace. Malheureusement, la pluie, on ne sait pas. Mais tout est prévu, vraiment, pour circuler, même pour s'asseoir, etc. C'est très, très agréable. Les couleurs, la diversité des fleurs, c'est magnifique. Vraiment magnifique comme réalisation. Très beau. Donc, vous recommanderiez à des personnes qui n'ont jamais visité de venir visiter? Certainement. Certainement. Avec le soleil, ce sera encore nettement mieux. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, Geneviève, qui a marqué votre esprit dans les fleurs ou dans l'exposition? La diversité des couleurs et des formes. Je ne m'imaginais pas qu'il y avait autant de sortes de tulipes et de formes de tulipes et de pétales, etc. Donc ça, c'est vraiment une découverte. Et pour vous, Jean-Claude, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué dans votre visite? Des tableaux, d'expositions? Non, j'ai vu 2-3 tableaux, copies de tableaux dans un hall, mais non. Ce qui m'a surtout marqué, c'est les ensembles qui sont créés par divers types de fleurs et divers coloris. J'ai trouvé ça vraiment bien étudié, bien fait, voilà. Eh bien, Jean-Claude, Geneviève, merci beaucoup. Mais salutations à tous nos amis de Mèche, vous qui venez de Liège, que je connais très bien. Liège, à très bientôt. Liège, c'est un petit Paris. Effectivement. Faisons de la pub, là, sais-tu. On fête plus le 14 juillet à Liège que la fête nationale du 21 juillet. Oui, effectivement. Voilà. Feu d'artifice, tout est là. À Liège, on a un esprit... D'abord, un esprit principautaire, parce que nous étions principauté séparée du reste des pays, quoi. Malheureusement, Napoléon y a mis fin, et d'autres avant, donc, mais nous avons encore beaucoup de... Derrière chez moi, par exemple, il y a un vignoble. Mais à l'époque napoléonienne, je ne dis pas c'est Napoléon, on a fait arracher tous les vignobles dans la vallée de la Meuse. Parce qu'on était des concurrents un peu déloyaux des vignobles français. Mais par ça, on ne l'en veut pas. Hein. Bien sûr, mais bon, je pense que ça va se refaire, ça va se reconstruire. Il y a de nouveau des vignobles. Bonne continuation et au plaisir. Oui, merci. C'était notre entrée en matière pour parler de ce parc, donc avoir l'appréciation. Et pour ce faire, nous allons avoir maintenant l'interview de Karine Hoogland, qui est responsable manager au niveau du parc de Keukenhof, et de Anne-Marie Gerhard Adriansen, qui est chargée des relations publiques et du contact avec l'extérieur. Keukenhof, donc, c'est en fait un des plus beaux parcs printaniers du monde. Et vous allez voir, c'était les portes ouvertes la 69e fois, donc, qui reçoit plus d'un million de visiteurs qui viennent un peu partout dans le monde. Donc ces charmantes personnes vont nous expliquer ce qu'est ce parc. Madame Anne-Marie Gerhard Adriansen, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations publiques au sein de Keukenhof, en fait qui est un parc, un jardin des tulipes. Donc aujourd'hui, là, je viens visiter votre jardin. Je vois que vous avez un public, un bon nombre de personnes. Et ce public, il vient d'où? Ce public vient d'où? Notre visiteur vient de 100 pays, de tout le monde, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Beaucoup de touristes viennent de l'Allemagne, l'Amérique, la France et l'Angleterre. Alors, quelles sont leurs motivations? Vous êtes en fait un peu l'emblème de la Hollande, l'emblème de la tulipe ici en Hollande. Oui, mais la tulipe, c'est le symbole de notre pays. Quand nous ne sommes pas visiter le parc ou quand la personne ne peut pas voir une tulipe, on n'a pas voir la Hollande, hein, par exemple. Il veut visiter Amsterdam, le tableau de Rembrandt, de Van Gogh, et bien sûr la tulipe aussi. Aussi, comme aussi les fromages, qui sont une des spécialités aussi, et les moulins, donc qui sont un peu les emblèmes de Netherlands. Le fromage aussi, mais vous avez les fromages très bien aussi. Absolument. Alors Karine, je vous laisse vous présenter. Vous travaillez donc avec justement les relations extérieures touristes. Je vous laisse vous présenter. Oui, je représente Keukenhof dans le monde entier. Alors c'est la France, Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, États-Unis et maintenant aussi les pays en Asie. Comme les Chinois qui viennent à Keukenhof et de l'Inde. Les Indes également. Alors, est-ce qu'on pourrait présenter maintenant, justement, Keukenhof, les jardins Keukenhof, en faisant l'historique? Oui, on peut représenter les jardins parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir en Hollande pour voir les tulipes. Et quand on dit pour voir les tulipes, il faut venir à Keukenhof, on comprend qu'il faut venir en avril ou en mai. Alors, justement, avril-mai, c'est la saison touristique, je veux dire, c'est la saison, c'est la fête de la tulipe, c'est bien ça, c'est très saisonnier. Oui, c'est la seule période qu'il y a des tulipes en Hollande, parce qu'il doit planter les bulbes en septembre-octobre, et ils fleurissent en avril et mai. Alors, au niveau de la surface, si on présente les jardins de Keukenhof, ça représente quelle surface? 32 hectares de mémoire, c'est bien ça? 32 hectares du parc, oui. Et il y a des serres aussi où on peut voir des fleurs différentes, comme par exemple, il y a des lys la dernière semaine de la saison. Il y a beaucoup de tulipes dans les serres. Il y a une serre avec fleurs coupées aussi. Et il y a une serre avec orchidées. Des orchidées. Des orchidées, oui. Alors, si on fait l'historique, d'où viennent les jardins de Keukenhof? Ce sont les cultivateurs et les exporteurs de bulbes qui ont fondé Keukenhof en 1949 pour montrer leurs fleurs qu'ils voulaient exporter. Et c'est pendant ce temps que c'est fondé. Mais c'était un parc très vieux aussi, le Keukenhof. Et le nom, c'est un nom très étrange pour un parc. Parce que c'est la cour du château, ça veut dire ça. Parce que pendant le 15e siècle, Jacqueline de Bavière habitait près d'ici. Et on venait pour les choses qu'on avait besoin du château pour manger, pour la chasse, pour les légumes. On venait dans cet endroit. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé la cour du château. Voilà, donc Keukenhof, ça signifie la cour du château et ça a été nommé justement par rapport à cette historique. Donc, ce sont 10 agriculteurs, horticulteurs qui se sont rassemblés pour créer justement Keukenhof. Et donc l'idée à la base, quelle était l'idée? L'idée c'était de, comment dirais-je, représenter la Hollande plutôt, vers l'extérieur pour exporter les bulbes, c'est ça? C'était une exposition à l'air libre. C'est une exposition pour montrer leurs fleurs. C'est comme ça que c'est commencé. Et maintenant, nous avons 100 expositeurs. D'accord, 100 expositeurs. Mais donc, la production, là, sur 32 hectares, qu'est-ce que vous faites des tulipes? Donc, il y a les publics qui viennent voir les tulipes, mais est-ce que vous exportez des tulipes? Est-ce que vous vendez des bulbes à l'étranger? Comment ça se passe? Non, nous ne vendons pas des tulipes. Ce sont les exporteurs et les expositeurs qui vendent les tulipes. Et ici, on les montre seulement. Alors, il y a des noms des exporteurs dans tous les jardins. Et tous les expositeurs nous donnent leurs bulbes. Alors nous avons à peu près 7 millions de bulbes que nous plantons chaque année. Oui, donc ça représente quand même un énorme travail, 7 millions de bulbes, parce qu'il faut les planter et j'imagine qu'il y a tout l'entretien derrière. Oui, il faut les planter. Ça dure du octobre jusqu'à décembre pour planter tout à la main. Alors, c'est beaucoup de travail. Et après, quand nous fermons, nous sommes fermés en mai, il faut relever tous les bulbes. Il faut commencer de nouveau. Effectivement, ça demande énormément de travail. Alors, j'imagine que chaque producteur a son image de marque, son identité au travers de la bulbe, au travers de la tulipe. Et donc, tous les ans, certainement, il y a un renouvellement des variétés de tulipes. Oui, toutes les nouvelles sortes, on peut les voir ici dans le parc. Et on peut voir que tous les cultivateurs ont leur propre bulbe qu'ils cultivent. Et nous avons une personne qui fait le dessin pour le parc et c'est différent chaque année. D'accord, donc en fait, tous les ans, il y a des thèmes, il y a des tableaux, si je peux dire, puisque tout à l'heure, nous parlions avec Anne-Marie, notamment Van Gogh, notamment ici, ou Rembrandt. Est-ce qu'il y a des thèmes, est-ce qu'il y a des tableaux tous les ans qui sont renouvelés? Oui, c'est différent tous les années. Et cette année, nous avons le thème romantique, qu'on peut voir partout dans le parc. D'accord. Et au niveau... Alors, c'est une façon, donc, si j'ai bien compris... aux producteurs d'exposer, de montrer leur savoir-faire et aussi après, derrière, donc eux, ils vont exporter leurs bulbes. Alors, aujourd'hui, il y a un souci, je veux dire, général dans le monde, c'est le réchauffement climatique. Donc, l'harmonie entre la production et, je veux dire, la nature. La Hollande est connue comme un produit, je veux dire, enfin, un pays où il y a une concentration de population importante, où la production est assez intensive. Est-ce que, justement, il y a un souci derrière de produire, je veux dire, écologique, avec l'environnement, un souci de respect de l'environnement? Oui, oui, c'est une chose très importante pour les cultivateurs aussi de cultiver naturellement, sans produits chimiques, ou moins de produits chimiques. Et c'est très important aussi. Alors justement, est-ce qu'il y a une charte qui est mise en place pour défendre cette éthique aussi? Une sorte de chasse, de charte, je veux dire, d'engagement derrière, label de qualité? Je ne comprends pas. Oui, est-ce que il y a un label? Non, vous savez pas. Vous savez. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, en fait, c'est un label de qualité, c'est-à-dire comme quoi les tulipes, elles sont faites, produites naturellement, sans produits chimiques, donc avec écologique, vais-je dire. Oui, oui, c'est très important pour les cultivateurs et pour nous aussi. Alors, je vois qu'il y a énormément de bus qui sont arrivés déjà. Là, nous sommes le matin. Beaucoup de population. En moyenne, par an, ça représente combien de public? C'est peut-être Anne-Marie qui va pouvoir me répondre. Combien en 8 semaines? Normalement, 1 million de visiteurs. 1 million de visiteurs. Yeah. Donc ça demande toute une organisation derrière, c'est toute une organisation, je veux dire, donc c'est tout un programme. C'est ouvert de quelle heure jusqu'à quelle heure? Quels sont les horaires de visite? De 8h du matin jusqu'à 7h30 pour ce soir. Le soir. Yeah. Une visite, en général, elle dure combien de temps? Quel est le temps pour une visite agrémentée, on va dire? Ça dépend le programme de touristes, mais normalement, je veux dire... 4 heures. À peu près 4 heures, donc une demi-journée, on va dire. Oui, oui. C'est bien ça. Au niveau de pour revenir un petit peu sur la production, donc ensuite, ici dans le monde, ça représente à peu près les producteurs. Est-ce que vous avez un chiffre, combien ça représente de ventes de bulbes par rapport, grâce à cela? Non, je ne sais pas, mais je sais que la Hollande, c'est le producteur de tulipes la plus importante du monde et l'exporteur le plus grand du monde. Aussi parce que nous avons beaucoup de variétés nouvelles et c'est aussi très important. En moyenne, par an, il y a combien de nouvelles variétés qui arrivent sur le marché? Ça dure beaucoup de temps pour avoir une nouvelle variété, parce que ça dure à peu près 9 ans, jusqu'on sait si c'est vraiment une nouvelle variété. Et après, pour cultiver, pour avoir suffisant, c'est notre 10 ou 20 ans. Ça dépend de la variété. Ouais. Alors, donc en fait, il faut au moins 15-20 ans pour qu'une tulipe, je veux dire, puisse s'affirmer sur le marché et se vulgarise, on va dire. Oui, ça dure beaucoup de temps. Oui. Alors il y a quelques variétés nouvelles chaque année. Mais ce n'est pas 100, par exemple. Ce sont 10 ou 20 variétés. Cathy, merci beaucoup pour cette interview. Oui. Merci Anne-Marie. Et puis, écoutez, ça nous a fait extrêmement plaisir d'avoir ce charmant accent néerlandais pour nos auditrices et nos auditeurs. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci, bonjour. Il y a des personnes qui viennent un peu partout dans le monde. Alors, j'ai interviewé des personnes, des visiteurs, en français bien évidemment. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Marie et Maxime. Marie est fleuriste, elle vient de France. Et justement, elle va nous expliquer un petit peu, donner son impression. Et aussi, elle, ça lui permet d'étayer, si je veux dire, et d'aiguiser sa créativité. Elle se sert d'exemple pour son métier de fleuriste. Marie, bonjour. Bonjour. Vous venez de France, donc de quelle région ? De la Sarthe, de Loué, à côté du Mans. Très connu, comme on disait, justement, Loué par rapport à son poulet, le fameux poulet, la belle rouge de Loué, les rillettes du Mans, cette région-là. C'est la première fois que vous venez ici en Hollande ? Oui, pour voir cette région-là, oui. Et ici, donc, vous êtes au jardin de Kenhoff. Vous êtes justement fleuriste. Vous, en tant que fleuriste, qu'est-ce que cela vous inspire ? Quelle est votre impression ? Que mes fournisseurs hollandais doivent nous donner encore plus de variétés pour qu'on puisse travailler tout ce qu'on voit ici. Oui, ça vous donne, en fait, c'est ça, c'est... Ouais, ça donne l'inspiration, puis ça permet de découvrir des nouvelles variétés qu'on ne voit jamais, et puis d'en mettre plein les yeux, même fleuriste ou pas fleuriste. Je pense que c'est beau pour tout le monde, là. Oui, et alors pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué ? Oh, je sais pas, j'en ai plein les yeux depuis une demi-heure, donc ça me donne des idées d'étalage, moi, parce que j'aime bien leur mise en scène, etc. Donc ça me donne des idées pour ma boutique à moi, de comment mettre en valeur les fleurs. Donc oui, c'est surtout ça qui me marque. Et puis la disposition des patchworks de fleurs, c'est assez impressionnant, je pense. Maxime, pour vous aussi, c'est la première fois que vous venez. Bonjour Maxime. Bonjour. C'est la première fois que vous venez aussi visiter ce jardin. Oui, tout à fait. Ouais. Alors vous avez quelle activité, si c'est pas indiscret ? Alors moi, je suis militaire, donc rien à voir avec les fleurs du tout. Ah si, la fleur au bout du fusil, comme on dit. On peut dire ça. Et pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ce jardin ? Oh bah c'est super joli, hein, franchement. Après, il pleut un peu, donc c'est moins cool, mais c'est super beau. C'est un peu dommage, ça gâche. Non, est-ce pas forcément. Ouais. Ça gâche pas forcément. Jour pluvieux, jour heureux, comme on oui, dit. Oui, voilà, tout à fait. On va transformer. Merci beaucoup, bonne continuation et bonne fin de visite. Merci. Et bonjour à nos amis de la Sarthe. Merci à vous aussi. Pour se donner encore une meilleure impression de ce parc et de cette beauté, c'est vraiment magnifique, je vous recommande. Eh bien, vous pouvez aller sur le site www.castelkeukenhof.nl www.castelkeukenhof.nl. Mais aussi, nous allons avoir l'interview de Séverine, qui est originaire de la France, qui vient de France et qui est venue spécialement avec son mari visiter ce parc et qui va nous donner son impression. Sylvéline, bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de France, notamment d'une région, nous sommes proches, Lorrain, Creutzwald. Oui, de Creutzwald. Et donc c'est la première fois que vous venez visiter peut-être la Hollande. C'est la deuxième fois. Que vous visitez ce jardin. Oui, mais à l'époque j'avais 17 ans. D'accord, donc ça rappelle certains oui, souvenirs, exactement. Effectivement. Oui. Alors comment vous trouvez-vous ce jardin ? Bah, c'est magnifique, hein. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, naturellement, beaucoup, les aires de parking, tout ça, enfin. Et puis, bon, les fleurs sont toujours aussi belles. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé, donc, de ce retour, de venir revisiter ou de venir visiter ? Bon, je sais pas, c'est un cadeau qu'on nous a fait, et puis, on en a profité. 3 jours de Hollande. De Hollande, c'est oui. Ça. Willy, vous, c'est la première fois que vous venez visiter. C'est la première fois, oui. C'est la toute première fois. Et alors, quelle est votre impression ? Bon, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le soleil, ce qui est un peu normal, je veux dire, un peu Hollande. C'est vrai que sous le soleil, ce serait beaucoup plus beau encore, mais c'est déjà magnifique avec toute cette variété, toutes ces variétés de tulipes et de fleurs différentes qui fleurissent en ce moment. On n'a pas tout à fait ça chez nous. Hein. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des tulipes? Vous venez d'arriver, je pense, il n'y a pas trop longtemps que vous êtes là. Vous n'avez pas encore eu le temps de trop tout voir. Est-ce qu'il y a des tableaux et des choses qui vous ont marqué particulièrement depuis votre arrivée? Non, pas spécialement. Bon, c'est une vue d'ensemble qu'on a. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de bien précis. Non, mais c'est la disposition et puis c'est l'assemblage de couleurs. C'est magnifique. Ça donne envie. Ça donne envie de faire la même chose, mais malheureusement, oui. Hein, je crois qu'ils mettent aussi beaucoup d'engrais ici pour que ça pousse aussi bien. Alors, moi, d'après ce que j'ai pu faire dans l'interview, que justement, ils disaient qu'ils étaient en harmonie avec l'environnement, qu'ils essayaient de faire quelque chose de culture bio. Oui. Mais bon, entre bien, ce qu'on dit bien. Et ce qu'on fait, peut-être qu'il y a un décalage. Voilà. Tout le monde n'a pas la même opinion. Oui, c'est ça, mais c'est pour cette raison. Parce qu'on nous a dit la quantité d'engrais qui serait mis chaque année en terre ici. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On n'est pas là pour le vérifier. Pour l'instant, on profite du tableau et puis c'est quand même pas mal. Hein. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Oui. Je vous souhaite une bonne continuation. Oui. Bon voyage, bon séjour, bah oui, et sûr. Peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir. Et n'hésitez pas à venir sur RCN 90.7. Justement, je vais faire un peu de publicité pour la ville de Creutzwald. Nous avons ce week-end la fête de l'Europe, qui est toujours un must pour notre région. Et puis nous avons un lac, qui est une roseraie, et puis il y a plein d'animations et tout ça. Alors je fais un peu de publicité pour notre ville. Et bien voilà, c'est l'occasion de faire un peu de publicité pour notre magnifique région qui est Creutzwald aussi. Oh, oui. Voilà. Très bonne continuation. Vous aussi. Merci, au revoir. Libre-échange, Sylvain Blondin.